Tant qu'on bosse avec les frères, qu'on sait pas lâcher. On part sur le quatrième projet. Fais le boulot en famille. Dehors, trop de vipères. Moi, manager, c'est mon frère. Toi, bon qu'à m'appeler mon frère. Je me rappelle les heures de route en saxo. Je devenais plus fort à chaque son. Chaque soir, j'y repense, faut laisser le temps à chaque chose. Je me rappelle de chaque client, de chaque nose. Dehors, j'ai fait des sales choses. Aussi des sales choix, je vois que les billets à chaque dos. Je remercie Dieu pour le parcours. C'était compliqué. C'était chaud, y avait pas tout. Mais dans tout, je suis impliqué. Je suis impliqué, mon premier coup, j'étais mineur. Je dois m'y faire avec ma mère, vu que j'ai grandi sans géniteur. Mais si elle part, faut pas que je foire, c'est ça ma peur. Ça me fait peur. J'aime trop ma sœur, j'aime trop mes frères. Quatrième projet, je dois faire du sale. À la base, c'était un délire. Aujourd'hui, ça devient mon job. Ma première toff avec un fan, je m'en souviens bien, j'étais qu'un gosse. J'avais même pas mué. Non, non. Je passais à la télé, TV. Je voulais faire des clips comme les grands du check, ça finit par streamer. Payé. Je sais bien qu'il y a des visages. Je le remarque à la façon de parler. Ce qui compte, c'est pas l'atterrissage, mais la façon dont tu vas te relever. On n'a pas touché d'héritage, mais nos parents ont fait le taf. Je sais bien qu'il y a des visages. Je sais bien qu'il y a des visages, ouais. J'ai perdu mon papa y'a plein de temps. Mais c'est la vie, on t'en fera avec. J'ai quelques flashbacks de temps en temps. Je garde le sourire, tout se passe dans la tête. Sur scène j'ai l'impression d'halluciner. Je me sens comme Neil Armstrong dans les étoiles. Reflet des flashs qui illuminent mes lunettes quartier. Je me cherche encore, arrête de prétendre que tu me connais. On me demande souvent quel est le secret de ma longévité. Si je devais répondre simplement, je dirais que je n'ai pas oublié ce pourquoi j'ai commencé. J'ai choisi cet art parce que je ne me voyais rien faire d'autre. Parce que j'avais des histoires à raconter, des voix à faire entendre et des gens à représenter. Du 9K jusqu'à Boulet Mat. Aujourd'hui, la communauté s'est agrandie, le monde a changé et de nouveaux compteurs ont vu le jour. Longue vie à ceux qui poursuivent cette lumière, ces nouveaux princes, nés pour briller.